Fanny vint danser en rond le dimanche au buis béni. Les garçons en chasse vont et les filles disent nenni. Et les filles disent nenni. Elle a l'aube sur le front, le hâle matou bruni. Les garçons en pêche vont et les filles disent nenni. Et les filles disent nenni. Je l'adore nuit et jour, et je n'ai jamais fini. Les garçons vont au labour, et les filles disent nenni. Et les filles disent nenni. Rossignol chante au fond de mon vieux cœur rajeuni. Les garçons aux vignes vont et les filles disent nenni. Et les filles disent nenni. Grands arbres du bois profond, serais-je aimé de Fanny? Les garçons en guerre vont, et les filles disent nenni. Et les filles disent nenni. J'ai deux ormeaux dans ma cour, l'un dit non, l'autre dit oui. Les garçons vont à l'amour, et les filles y vont aussi. Et les filles y vont aussi.